de prison. J'y suis resté 2 mois. Veux-tu t'en plaindre? Ma foi, non. Et si c'était pour toi, j'y voudrais être encore. Tu m'aimes donc? Moi, je t'adore. Vos officiers sont venus tout à l'heure. Ils nous ont fait danser. Comment, toi? Que je meurs si tu n'es pas jaloux. Eh oui, je suis jaloux. Tout doux, monsieur, tout doux. Je vais danser en votre honneur et vous verrez, Seigneur, comment je sais moi-même accompagner ma danse. Mettez-vous là, Don José. Je commence. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et pourquoi, s'il te plaît? Il me semble là-bas. Oui, ce sont nos clairons qui sonnent la retraite. Ne les entends-tu pas? Bravo, bravo, je vais beau faire une mélancolique de danser sans orchestre. Et vive la musique qui nous tombe du ciel. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Au quartier, pour la paix. Ah, j'étais vraiment trop belle. Ah, j'étais vraiment trop bête. Je m'aime des incantes, je faisais des frais, oui, je faisais des frais, m'amuse, monsieur. Je chantais, je dansais, je crois Dieu me pardonne, pas de plus, je l'aimais. Ta-da-ta-ta, c'est le clairon qui sonne. Ta-da-ta-ta, il part, il est parti. Va-t'en-t'en, canari, tiens, prends ton chapeau, on s'amuse, la chérie. Et à toi, mon garçon, retourne à ta case. Jamais, jamais femme avant toi. Non, non, jamais, jamais femme avant toi. Aussi profondément avait troublé mon âme. Ta-da-ta-ta, mon Dieu, c'est la retraite. Ta-da-ta-ta, je vais c'est trop de retard. Oh mon Dieu, c'est la retraite. Je vais c'est trop de retard. Et Carmen, la balabada, la montagne, Carmen, la balabada, arriverai si près, sur ton cheval tu peux prendre, et comme un brave à travers la campagne, un croupier du m'emporter. Yeah. vous allons, s'il vous plaît, quitter cette demeure. Vous viendrez avec nous, vous viendrez avec nous. C'est une promenade. Consentez-vous, consentez-vous, les bonnes camarades. Certainement, d'autant plus que votre argument est un de ceux auxquels on ne résiste guère. Plus tard, la guerre, c'est la guerre. En attendant, mon officier, assis devant sans vous verre, pied. Assis devant sans vous verre, pied. Et il est notre maintenant, il en faut bien. Oh! métier est beau, mais pour l'avenir, il faut avoir une âme forte. Et le péril est en haut, il est en haut, il est en haut, il est à toute porte. Tout ça va, ne te vaut rien, et te ferait fort bien de partir.